بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب ما هي المحاضر التي وقع فيها الذين حصل لهم توهم في النصوص في نصوص الصفات؟ C'est quoi dans les quatre méfaits? Ils avaient compris le verset, ils ont compris la sifa, et directement il a fait du tamthil, ils ont cela poussé à faire un parti là. Non. C'est ça, tamthil qui l'ont poussé. Voilà, ils ont parlé, Fidine et la Bilahin, c'était le troisième. Là. Tamthil, takif ou tartil, arabia. لا ما اخذ من تفويض تعتيل وتكييف وتمثيل ايوه ورابع ما هو تعتيل وتمثيل وتكييف انتقاص في حق الله طيب واصل في القاعده الخامسه قال في علمنا بما اخبر الله تعالى عن نفسه مما أخبر الله تعالى به عن نفسه وفي هذا سيتكلم عن التفويض الآن là c'est la règle c'est-à-dire notre science par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé à propos de lui-même قال ما أخبرنا الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة ومجهول لنا من جهة معلوم لنا من جهة المعنى ومجهول لنا من جهة الكيفية. Qu'est-ce qu'Allah nous a informé à propos de lui-même? Cela est connu pour nous d'un côté et ignoré de l'autre. Le sens nous est connu. Amala kefiya, le comment nous est inconnu. Et le fait que cela nous soit connu par le sens, cela est affirmé par des preuves et par le aql. Masalan, qala Allah Azza wa Jal, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadhakkaru ulul albab. Qu'il a dit qu'il a fait descendre un livre afin que les gens dotés d'intelligence méditent sur ce verset. Surat Sad 29. وَقُولُهُ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْلِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Et ne méditent-ils pas sur le Coran, et s'ils venaient d'autre que Allah, ils auraient trouvé certes maintes divergences. Le Nisa 82. وَقُولُهُ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمَّا عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne méditent pas sur le Coran, ou bien il y a des cadenas sur leur cœur. Surat Muhammad, verset 24. Wa qulu sallallahu alayhi wa sallam, khaylukum man ta'alama al-Qur'an wa 'allama. Alors le Bukhari, Hadith Othman, qu'il a dit le meilleur entre vous, celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Donc là, ma wa waj shahid min hadi al-ayat, adillah, c'est que Allah nous a appelé à méditer dans son, sur son livre. Donc comment peut-on méditer une chose qu'on ne comprend pas? Le tadabbur, là, il y a connu des bichis ma'loum. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a incité à le faire. Car si on devait méditer sur une chose qu'on ne comprend pas, hada yakun diya' la waqt, une perte de temps, wa abath, une chose inutile. Wa kazalika, qad wabbakha Allahu man taraka tadabbur. C'est celui qui a délaissé le fait de méditer sur les versets, il a été réprimandé. Donc là, قال والحث على تدبر القرآن شامل لتدبر جميع آياته الخبرية والعلمية والحكم وحكمية والعملية. On doit réfléchir sur tous les versets qu'il a donné, ceux qui sont liés aux informations, ceux qui sont liés aux actes. على ذلك. Pourquoi? Quand on doit comprendre la ibra à prendre de ces versets. Et également savoir comment les appliquer. Donc là, ça mène à quoi? À devoir réfléchir et méditer, comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Comment peut-on appliquer une chose dont on ne comprend pas le sens? Adar il ma'koul. Et en ce qui concerne également la aqidah, كيف نعتقد شيئا ما نفهمه؟ لأن العقيدة هو ما يتعلق به القلب، هذا هو العقيدة. العقيدة à quoi s'accroche le cœur. Donc va-t-il s'accrocher une chose qu'il ne comprend pas, ce n'est pas possible. Ça c'est une partie adilla du sam. وأما دلالة العقل على فهم معاني ما أخبر الله به تعالى عن نفسه فمن وجهين. Maintenant par rapport au adilla du aql que Allah nous a parlé d'une façon que l'on comprend, cela sous deux angles, comme il le dit. قال أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب الإخبار وأغلى مطالب الأخيار. Qu'est-ce que Allah spontané nous a informé à propos de lui-même, cela est le plus haut niveau d'information qu'il soit. Et ce qui est de plus cher comme objectif visé par les gens de bien. Donc il n'est pas possible que Allah nous informe d'une chose qu'on ne puisse comprendre. Ce qu'il nous a informé à propos de Pharaon et de Haman et de Karun, du peuple de Nour, du peuple de Had, de Samoud et de ceux d'après eux, le sens de leurs histoires nous sont connus. Donc, si on a compris cela, ce qu'on doit comprendre à propos d'Allah, Azza wa Jal, est encore plus immense, donc encore plus en droit d'être explicite. Car ça revient à lui. Ça, c'est le premier wajh. Wajh Thani, deuxième point de vue. Anna min al muhal. أن ينزل الله تعالى على عباده كتابا يعرفهم به أسماءه وصفاته وأفعاله وأحكامه ويصفه بأنه علي حكيم كريم عظيم مجيد مبين بلسان عربي ليعقل ويفهم ثم تكون كلماته في أعظم المطالب غير معلومة المعنى وغير معلومة المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يعلمها الناس إلى أماني. Donc il n'est pas possible que Allah fasse descendre un livre sur ses serviteurs dans lequel il leur fait connaître ses noms ou de ses noms, de ses sifats, de ses actes, de ses sagesses, et qu'il qualifie ce livre comme étant Ali, c'est un livre qui est haut, Hakim, Karim, Azim, Mujid, qui est d'une langue arabe claire, afin que les gens raisonnent et comprennent, et ensuite que par rapport à cela, les mots employés dans ce livre soient incompris des gens. Qu'ils soient comme au niveau de lettres hijaïya, de lettres que l'on épelle seulement, qui ne sont pas assemblées, qui ne forment pas de mots. C'est-à-dire les gens, Nassalène, vont dire « je connais ces lettres-là, mais quand elles sont assemblées, je ne sais plus ce qu'elles veulent dire. » C'est comme si on demandait, Nassalène, à quelqu'un un exemple, tu prends un francophone qui a appris à décrypter les lettres. Il arrive à lire, à écrire, mais il n'est pas arabophone. Il pourra te dire le mot, mais c'est écrit « bait », il va te lire « ba, ya, ta, bait ». Même un « bait », je ne sais pas. Donc là, ça aurait été que les gens ne connaîtront, n'auraient connu que des prétentions. وهذا شيء مذموم كما قال عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. Parmi eux, des illettrés qui ne connaissent du livre que des prétentions, des conjectures. Donc si Allah blâme ces gens-là, comment va-t-il agir de la sorte avec d'autres, leur faire faire cela? ثم قال فإن قلت ما الجواب عن قول الله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Donc que dirais-tu à propos de la parole d'Allah, Azawajel, dans le sens où il dit, il est celui qui a fait descendre sur toi le livre, et parmi eux des versets murkam, et elles sont les versets mères du livre, et autres, à équivoque. Et quant à ceux qui ont une déviance dans le cœur, eux, ils suivent ce qui est équivoque, en vue de trouver la fitna, et d'en chercher un ta'wil. Et seul le ta'wil n'est connu que auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a une lecture, ça peut être également, et ceux qui sont ancrés dans la science. Ils disent, nous croyons, nous y croyons, et tout cela provient de notre Seigneur. Et seuls les doués d'intelligence se rappellent. Al-Imran, verset 7. Donc ça veut dire quoi? Que dans le Coran, il y a des versets mutashabihat, à équivoque. Hein, dont seule l'interprétation est connue auprès d'Allah. Hada wa su'al. Parce que c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des versets dans le Coran, personne ne connaît leur ta'wil à part Allah. Faqal, les salafs ont répondu à cela par deux réponses. La première, par rapport au waqf, là où tu t'arrêtes dans le verset. La salam, tu vas lire en disant wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tu t'arrêtes là. Nul ne connaît son interprétation hormis Allah. Tu t'arrêtes là. Eux, ils ont dit quoi? Que cela veut dire ma ya'lam ta'wil haqiqat dhalik illa Allah. La réalité, la kayfiyya de ces choses-là. Le ma'na, il est ma'loum. Mais le kayfiyya, la haqiqa, il n'y a que Allah qui la connaît. Quand même, l'entité des sifat, leur réalité, les choses de l'invisible, leur réalité telle qu'elles sont, seul Allah les connaît. Nous, on ne peut pas les connaître. Deuxième réponse, elle wasl, la liaison. Quand tu continues, taqul, wa man ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil ilm. Là, ça veut dire quoi? Que personne ne connaît son interprétation, si ce n'est hormis Allah, ainsi que les gens ancrés dans la science. Donc là, on rajoute d'autres personnes en plus qui connaissent. Et là, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que ces gens ancrés dans la science connaissent, eux, le bayen du sens. La haqiqa, ils ne la connaissent pas. Mais le tafsir, quand même, et le bayen du sens voulu, ils le connaissent. Comme كان يقول ابن عباس رضي الله عنهما انا من الراسخين الذين يعلمون التاويل. Je fais partie des rasikhin, ceux qui connaissent le ta'wil du Coran. Et Mujahid, qui était parmi les mufassirin, parmi les tabi'in, قال غرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته الى خاتمته اقفه عند كل ايه اساله عن تفسيرها. Il dit j'ai lu tout le Coran sur ابن عباس de la Fatiha jusqu'à la fin. Et chaque verset, je l'ai interrogé sur le sens du verset. Chaque verset. Donc, Ada, maintenant, on peut lire entre les deux. Entre le waqf et le wasl dans le verset. Il y en a un, ça veut être quoi? Si on s'arrête, c'est que seul Allah connaît la haqiqa. Donc, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de tanakoud. Et l'autre, si on fait le wasl, la liaison, seul Allah, plus les rasikhoun fi l'ilm, ils connaissent quoi? Le tafsir des sens. Donc là, l'ishkal, alhamdoulilah, il s'estompe. Thumma qala faslun. Faslun. Il y a un fasl qui est toujours lié à ce qu'il vient de citer. Thumma akhbar Allah bihi an nafsihi. Wa amma kun ma akhbaran Allah bihi an nafsihi majhulan lana min jihati al-kayfiyya fa thabitun bi dalalat as-sam' wal-aql. Maintenant, le fait que ce que Allah nous a informé à ce sujet, la kayfiyya nous est ignorée, nous est inconnue. Cela est basé sur des adillah kazalik, de la raison et du sama. C'était quoi le sama, on avait dit? Shad'iyya, naam. Qala awalan dalalat as-sama' fa min wajhayn. Maintenant, les adillah du char, sur deux points de vue également. Al-awwal, qawluhu ta'ala, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa luhitu nabi ilma. Que lui, il sait tout ce qu'ils ont. Et que rien ne peut le cerner. D'accord? Rien ne peut le cerner. Sur la Torah, verset 110. que Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne peut le cerner dans sa réalité. D'accord ? Ce qui concerne son zat et ses sifat. Donc, nul ne connaît la haqiqa. فَلَا يُعْلَمْ حَقِيقَةَ ذَاتِهِ وَكُنَنِهَا إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَذَلِكَ سِفَاتِهِ. Donc, ça, c'est le premier point de vue. Rien ne peut le cerner. ثاني, deuxièmement, أَنَّ اللَّهَ أَخْبَرَنَا عَنْ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَلَمْ يُخْبِرْنَا عَنْ كَيْفِيَّتِهَا وَعُقُولُنَا لَا تُدْرِكْ ذَلِكَ. Donc, il nous a informé à propos de son ذات, son essence, de ses sifat, sans nous dire le comment. Et nous, nos raisons ne peuvent cerner cela. Et il ne nous est pas permis de parler dessus. Comme a dit Azza wa Jal, وَلَا تَكْفُ مَا لِسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمَعْ وَالْبَصَرْ وَالْفُؤَدْ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَنَ عَنْهُ مَسْئُولَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَنَ عَنْهُ مَسْئُولَ. Donc ne recherche pas ce dont tu n'as pas de science. Certes, l'ouïe et la vue et le cœur seront tous interrogés. Et le verset, la surat al-Isra, verset 36, وَقُلُوا تَعَلَى قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ وَالْإِثْمُ وَالْبَغِيَ بِغِيْلِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ نَزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dit que mon Seigneur a seulement interdit les fawahish et turpitudes, ce qu'on est apparent ou caché, ainsi que le péché, ainsi que l'injustice en droit, et ainsi que vous lui associez ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc, on ne peut en parler car on ne le sait pas. Le kéfiyé nous est majhoul. Ama par rapport au aql, là c'est le deuxième point de vue, à la réponse par rapport au aql, c'est quoi? C'est que tout simplement, al-shay la yudraku kéfiyatuhu illa bimushahadatihi ou bimushahadat nazirihi al-musawi lahu ou al-khabar al-sadiq anhu. On l'avait dit qu'une chose ne peut être cernée si ce n'est qu'on a déjà vu un équivalent ou alors qu'on a été informé d'une description précise de cette chose-là. Et cela par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est impossible. Donc on ne peut connaître la réalité. فهمت كيف هي ذات الله وصفاته مجهولة لنا. Son ذات et ses sifat, leur réalité nous est inconnue. Nous sont inconnus. Donc là maintenant, il fait une tatimma de cette qa'ida. C'est un ajout sur lequel il parle des mufawwidha. Les mufawwidha, ce sont des gens qui disent que le sens n'est connu qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sens, il est majhoul pour nous. On ne connaît pas le sens. On sait dire le mot, tout ça, mais le sens que veut dire ce mot-là, c'est Allah qui le connaît. Quand même, ça se permet également des gens qui ont dévié dans bab al-asma wa sifat. قال بهذا التقرير الذي تبين أنه الذي تبين به أنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله يتبين بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني آيات الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف. Donc tout ce que nous prenons maintenant là, qu'est-ce qui nous est clarifié? La fausseté du madhhab des mufawwidha. Que eux, ils disent justement le tafouïd, le fait de dire qu'on ignore le sens, le tafouïd, c'est le madhhab des salafs. Ils disent que les salafs étaient là-dessus. Eh bien, la khata, c'est que les salafs, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Kanu yufawwidhun al-haqiqa. Ilm, al-kayfiyya, wal-haqiqa, dun al-ma'na. Qu'il remettait, il revoyait vers Allah le kayfiyya, le comment, ainsi que la haqiqa, les sifat. Hada ken yufawwidhun. Ama al-ma'na, ils le connaissent le ma'na. C'est quoi la proof hujja? Le qawl de l'imam Malik. Al-ma'na ma'loum, l'siwa. Et il y a eu des tawatir, et même plein de paroles rapportées des salafs, tous bitou, annahum kanu ya'lamun al-ma'ani. Ouais, des fois c'est des paroles qui venaient vagues, et des fois c'est des paroles qui venaient précises. Parmi les paroles vagues, de ce qui est attribué aux salafs, qui disait Amirru ha kama ja'at bila kayf. Amirruha kama ja'at bila kayf. C'est-à-dire, prenez ces versets-là comme ils sont venus, sans chercher le comment. Ça, ça a été attribué aux salafs. Et, mathalan, comme parole, Mufassala, t'as un exemple en tête ? Dans ce bab-là, attribué au salaf, parole détaillée. C'est le Imam Malik, Arsanta. En el ma'na ma'loum, ma kifia majhoul, wa limen bihi wajib, wa suwal anhu bid'a. Et suwal anhu bid'a. Après, c'était un long kalam de Cheikh Islam Taymiyyah dans Dar ou Ta'arud al-Aql wa al-Naql. Ou le Khurasa, c'est quoi, pour pas avoir à tout lire, dans lequel il réfute le Tafouid en disant que qu'est-ce que cette parole elle a pour la Wa'azim, qu'est-ce qu'elle implique, le Tafouid, que seul Allah, que le sens nous est inconnu. Kamelt, cela veut dire quoi? Que Allah nous a ordonné de méditer sur le Coran, de le comprendre, de le méditer. Donc comment par la suite, il serait attendu de nous de dire qu'on ne connaît pas l'essence. Donc ça, ça a déjà été dit au début. Et ça veut dire quoi? Que les Anbiya, les envoyés, les Rasoul, ne savent pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur eux. Ni les malaïka, ni les salafs. Ça veut dire que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué, les anbiya, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Il y a les anbiya, les bachar. Sinon, on ne comprend pas, parce que là, il n'y a pas eu de dalil qui dit que les anbiya, ils ont compris, mais pas vous. Là, c'est tout le monde. Ils ont mis tout le monde dans le même statut. Donc là, ça revient à quoi? À attendre les Anbiya, qu'ils parlent de ce qu'ils ne savent pas. Waza mustahil. Et ça, c'est les falasifa qui sont tombés là-dedans. Donc, ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi, les falasifa? Que si les Anbiya parlent de ce qu'ils ne connaissent pas, qu'est-ce qui nous empêche, nous, de parler de ce qu'on connaît, de ce qu'on aura compris? C'est le Nabi qui vient avec le wahi, ma yafham al-ma'ani, fa aisha mna'ouna nahnu, anna takalim man afham nahnu. Donc là, ça en a quoi? A délaissé le wahi. Il a tombé dans quoi? Ain le kalam. Les falasifa, ils sont arrivés à cette conclusion-là par rapport au tafouid. Donc ça veut dire, comme Cheikh Al-Islam dit à la fin, le tafouid, parmi les pires des croyances qu'il y a, viendrait à dire que les NBA ne savent pas ce qu'ils disent. Que les Rasoul ne savent pas ce qu'ils disent. Fahimt? Et que les malaïka kazalik. Ma'alamun kalam, yani ma'na kalam illa. Et ça, ce n'est pas seulement lié à ce moment sifat. Il y a trop le kazalik fihi, al-umur al-ghaybiyya, ala tita'alak bil-hisab yom al-qiyama. Toutes les choses qui sont liées aux choses de l'invisible après la mort. Donc, les NBA, il ne fait aucun doute qu'ils sont venus, ils ont fait le tablir, ils ont transmis comme il fallait ce que leur Seigneur leur a imposé, comme il se doit. Lien al-rusul, limaza ursilat. Pourquoi les messagers ont été envoyés? Rusulan bashir munzirin li ayakuna lin-nas yara Allah hujjatun ba'd ar-rusul. Ils ont été envoyés pourquoi? Iqamat al-hujja. Que la preuve est donnée. Donc quelle preuve est donnée s'il n'est pas comprise? Car parmi les shurut de mathalan, on avait expliqué pour qu'un châtiment s'applique sur toi, c'est que tu aies la preuve. Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha Rasoula, n'auront jamais châtié sans avoir envoyé un messager. C'est-à-dire, il faut que tu aies compris Et tu es su la chose avant que tu ne sois châtié pour une chose que tu as délaissé. Donc, où est la faïda que Allah t'apprend une chose que tu n'as pas compris? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu comme le Hujja. C'est-à-dire qu'Allah, il envoie les messagers pour rien du tout. Wa hadha yukhalif tamaman مثلاً ما تتضمن من معاني صفات الحكمة والعدل هذا كذلك والرحمة وغير ذلك. Donc là c'est ce qu'on a pris yani relativement par rapport au Mufawwidha et au fait que Allah SWT, tout ce qu'il nous dit dans son livre, le sens on le connaît. Par contre on a expliqué quoi, ça peut être relatif Abou Web, que certains pourraient connaître le sens et d'autres non. C'est-à-dire, ça peut dire que tout le monde forcément connaît tous les sens. Mais il y a forcément des gens qui le connaissent. Déjà, les Anbiya le connaissent. Et les Ulama, le Rasikhoun et Filim le connaissent. Après, il y a des choses qui font que tu ne connais pas le sens pour différentes raisons. Pour ton manque de science. Ou le manque d'efforts fourni dans la recherche de cela. Ou pour le fait que tu as un souhait cause. Tu as une mauvaise intention. Donc, tu n'es pas mouafok dans le fait de comprendre le sens. D'autres choses. Mais, ça veut dire que cela est à la portée de tous, en fait. Même si tout le monde ne l'a pas obtenu. Tout le monde est en mesure de pouvoir le savoir si Allah SWT lui accorde les asbabs de pouvoir y parvenir. Donc le tafouid, c'est un mazhab qui est baratil. Même min shar al-mazahib, parmi les pires des mazahib. Mafoum hadad, ta'ayyad. Fa ila huna, subhanaka wa bihamdik, la ila ahlan ta'astafuluka wa tubu ilayki.